La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour, bonjour à tous. Il est 10h10, vous êtes sur Radio Antigone et c'est la case du week-end qui commence d'ores et déjà. Nous sommes en direct jusqu'à midi. Merci de nous écouter. Un très bon programme, comme chaque jour, pour cette case du week-end, comme chaque week-end, plus précisément. Nous allons dans quelques instants parler jeux vidéo. Il y aura aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. Arnaud Pontus, dont j'ai écorché son nom la semaine dernière. Je me suis trompé, j'ai dit Arnaud Moreau. Je ne sais pas pourquoi, c'est bien Arnaud Pontus. Ils nous emmèneront au Pérou, il me semble, dans quelques minutes. Il y aura également des actus du numérique dans la demi-heure suivante, l'éphéméride. Et puis, si Xavier m'entend, bonjour Xavier, des actus des médias aussi. Bonjour à tous, oui, des actualités des médias, on parlera des audiences de la veille, on parlera aussi de compléments d'enquête. Parfait, hey, le son qui a fonctionné du premier coup, wouhou! Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va écouter niveau musique? Tout à l'heure, on fera plaisir à Xavier, je n'en dis pas plus, même si je pense qu'il a vu le conducteur et donc il a vu la musique. Nous écouterons sur Radio Antigone David Guetta avec Family. Il y aura également Ina avec Up. Et bien sûr, comme chaque week-end, juste avant 11h et juste avant midi, oulala, j'ai du mal, des classiques musicaux. Et le premier classique musicaux de cette case du week-end de ce samedi 10 septembre 2022 sera Yazoo avec Don't Go. Un titre pour bien se réveiller, profiter de ces classiques musicaux. Restez bien sur Radio Antigone pour profiter de tout cela. La case du week-end commence dès maintenant, bien sûr, je vous l'ai dit. Les sorties jeux vidéo arrivent dans quelques minutes, 3-4 minutes. Le temps de s'écouter un titre datant de 1980, Diana Ross, qui nous proposait à cette époque « I'm coming out ». Got time. Radio Antigone avec Diana Ross, I'm coming out. 10h17, voici les sorties jeux vidéo. Les sorties jeux vidéo. Et nous commençons avec un jeu qui vient tout juste de sortir. C'était hier, le 9 septembre 2022. Il se nomme TLJ. Alors, qu'est-ce que TLJ? Eh bien, c'est un jeu de puzzle dans un environnement et dans un monde en 2D à l'ancienne, mais assez plaisant. Un jeu, eh bien, où vous allez devoir, dans un monde mystérieux, résoudre des énigmes. Et oui, jeu d'aventure et de résolution d'énigmes. Une interface cohérente avec une grille de tuiles que l'on peut activer ou désactiver. Et donc, de nombreuses devinettes, de la chasse aux pixels. Mais vous allez pouvoir explorer de différentes zones dans ce monde pour résoudre les énigmes. Avec, parfois, eh bien, des indices vitaux pour les résoudre. Ces énigmes qui sont cachées à la vue de tous, mais que vous allez avoir du mal à voir. Le jeu s'appelle donc TLJ, il est développé et édité par Matthew Van Devander. Il est sorti hier et est actuellement en offre de lancement et donc en réduction, moins 20%, 16,79€ sur Steam. Autre jeu, le deuxième, et il est la continuité d'une licence bien connue, Train Sim World. Le Train Sim World 3, développé par Dovotail Games, bien sûr, et édité également par Dovotail Games, mais également par TSW. C'est une grande licence de simulation de train qui sort, eh bien, son troisième volet avec de nombreuses nouveautés. Voilà, des graphismes améliorés, bien sûr. Mais donc, dans ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous allez pouvoir transporter des chargements à travers des montagnes américaines, conduire les passagers anglais à leur travail et passer d'une région à l'autre à bord d'un train à grande vitesse, allemand notamment. De nombreux trains sont disponibles que vous pouvez acheter en ajout DLC. Il y a très certainement le Steam Workshop aussi qui vous permet, eh bien, de rajouter plein... Ah non, il n'y a pas le Steam Workshop, mais en tout cas, vous pouvez rajouter de nombreux trains très très réalistes. Il y en existe pour tous les goûts, voilà, tout simplement. De nombreux différents trains où vous allez donc pouvoir vivre votre passion d'une façon, eh bien, très très grande. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah voilà, hein, je pense qu'on peut pas dire grand chose. Le ciel a été amélioré sur cette troisième version. Les conditions météorologiques sont réalistes comme les éclairs et le vent. Et vous allez également pouvoir personnaliser vos créations avec l'éditeur de scénario et l'éditeur de livret et la partager ensuite dans le Creator Club. C'est Unreal Engine 4 qui a été utilisé pour faire tourner ce jeu avec un moteur physique de véhicule SimuGraph développé par Dovotail Games. Il faut un PC un petit peu puissant, hein, une configuration minimale de 8Go de RAM, un petit i5, oui, un petit i5, et puis une GTX 750 Ti pour faire tourner ce jeu. Voilà, ça nécessite quand même un PC un petit peu performant. Le jeu, eh bien, il est en version Starter Pack à 35,99€ dans différentes éditions, l'édition Starter Pack allemande, américaine, puis vous avez la Standard Edition à 44,99€ et puis d'autres éditions pour ajouter des routes et différents trains. Voilà pour cette chronique sortie jeux vidéo. Tous les week-ends, de 10h à midi, c'est la case du week-end. La case du week-end continue avec la chronique économique dans un court instant après David Guetta en featuring avec plein de monde. I don't got friends, I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I can tell the difference with my day ones. Read between the likes and the mentions. Candle in the sky for the lost ones. Need me, no, you only gotta call once. Let's make a toast to the good stuff. Raise the champagne in a red cup. My drip is so hot cause it's all love. My drip is so hot cause I don't got friends. I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. Ooh, ooh, ooh. I got family. Ooh. We'll when you're tested. Who there with you in the state and when you stressing? And if I do you wrong, I'ma fess it. Good energy, gotta protect it. Bare feet on a firewalk, carry you for miles until I cry. Trust me. Tell me your secrets, they on lock, yeah. I ain't alone on this one way, cause I don't got friends. I got family, at the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. Energy, baby, don't need no friend or acquaintance. I need your love in a form that you won't give to nobody, baby. I mean it. Mama told me it was no evil inside of you, but I seen it. It's family over everything, baby. I love you. I just want you to have your fun, cause life is too short. Take you out to eat in New York, let's go to Jordan. Yeah. Making new friends when your money's too long. Cause I don't got friends. Merci d'écouter Radio Antigone. David Guetta en featuring avec plein de monde, je vous l'ai dit, il y a Bébé Rexha, il y a également Ty Dolla ou encore, qu'est-ce qu'on a d'autre, et Boogie With, Da Woody, voilà, il y a du monde pour ce featuring. Sur Radio Antigone, il est 10h, presque passé de 25 minutes, voici donc aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui, l'économie. Et oui, la chronique économique, Arnaud Pontus et Dominique Bayard qui évoquent ce matin la situation au Pérou qui fait face à de nombreux événements climatiques extrêmes. Bonjour à vous deux. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. L'Occident doit-il payer la facture des inondations meurtrières qui ravagent le Pakistan depuis plusieurs semaines? C'est une demande pressante du gouvernement d'Islamabad. Oui, pour Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies qui sera sur place en fin de semaine, il s'agit bien d'une catastrophe climatique. Le tiers du Pakistan est sous les eaux après les pics de canicule et de sécheresse du printemps. Ces moussons meurtrières, alimentées entre autres par la fonte ultra rapide des glaciers pakistanais, sont loin d'être terminées. Un nouveau déluge de précipitations est annoncé pour la mi-septembre. De par sa géographie, le Pakistan est clairement identifié comme l'un des pays les plus exposés au changement climatique. Il est classé parmi les 10 pays les plus vulnérables. Et c'est sur la base de ce constat que le premier ministre pakistanais et son équipe demandent que les pays pollueurs soient les payeurs. Oui, la ministre pakistanaise du changement climatique, Sheri Rehman, rappelle que son pays n'est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Il ne peut donc pas être tenu pour responsable des dégâts qu'il endure en ce moment. Des centaines de ponts, de routes sont à reconstruire, sans parler des millions de maisons, d'une bonne partie de la production agricole anéantie par cette catastrophe. La facture est estimé à environ 10 milliards de dollars. Et pour le moment, personne n'est prêt à régler l'addition au titre d'un dédommagement au nom du réchauffement de la planète. Plusieurs pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar ont rapidement signé des chèques en faveur du Pakistan en raison de leur proximité religieuse, diplomatique avec Islamabad, mais pas en tant que puissance pétrolière soucieuse des répercussions climatiques de leur économie. La semaine dernière, le FMI a également promis un nouveau prêt dans le cadre classique de ses interventions. La 22e du fonds en faveur de cet État en situation de stress financier quasi permanent depuis 60 ans. Avant même ce déluge, le Pakistan était au bord du défaut de paiement, en négociation avec le fonds pour éviter la banqueroute. Dans ce pays né de la scission avec l'Inde, les dépenses militaires ont été privilégiées au détriment du développement. Le pays importe aujourd'hui bien plus qu'il n'exporte et sa croissance est beaucoup trop faible pour fournir des recettes fiscale conséquente. Les gouvernements qui se sont succédés sont comptables de ces échecs économiques, de la mauvaise gouvernance, de la corruption qui gangrène l'activité et donc du niveau de pauvreté qui explique aussi en partie l'ampleur des dégâts. En revanche, ils ne sont pas responsables du déchaînement de la météo. Islamabad utilisera toutes les instances pour faire avancer sa cause. Et la question sera abordée à la COP27 qui est prévue en Égypte au mois de novembre. Oui, le Pakistan préside actuellement le groupe des 77, ce groupe de pays en développement, plus la Chine, qui cherche à promouvoir ses intérêts au niveau global. Alors, le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, veut utiliser cette tribune pour diffuser son message à Sharm el-Sher. Une cause perdue d'avance, selon les habitués des conférences climat. À Glasgow, le sujet a déjà été âprement discuté et retoqué sous la pression des États-Unis, suivi par les autres gros émetteurs de carbone. Ils sont aujourd'hui confrontés à une double crise, celle du climat et de l'énergie. Ils cherchent à diminuer leurs émissions, à changer leur mix énergétique. En revanche, ils sont très très discrets sur les compensations et sur le financement de l'adaptation pour les pays victimes du changement climatique. C'est littéralement la politique de la chaise vide. Hier, aucun chef d'État européen ne s'est déplacé à Rotterdam pour participer au sommet pour l'adaptation au climat en Afrique. Merci à vous Dominique Bayard, aujourd'hui l'économie chaque matin sur RFI. Et chaque week-end dans la case du week-end sur Radio Antigone. À demain, Dominique et Arnaud. Tout à l'heure, dans une heure, nous parlerons oignons avec Marie-Pierre Olfan. Radio Antigone, 10h29. On écoute un petit extrait de Disclosure et Elisa Doolittle avec You On Me. Et puis après, on fait un point sur l'actualité ainsi que sur la météo. Restez bien là. Merci d'être sur Radio Antigone. Vous écoutez la case du week-end, Disclosure et Elisa Doolittle à l'instant. Un petit extrait malheureusement, comme je vous l'ai dit. C'était You and Me. La radio à vif. Il est 10h30, presque 31 même déjà. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, les actus du numérique, l'éphéméride et les actus des médias arrivent. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. D'annoncer les bonnes chroniques. Elles arrivent après le flash, toutes ces chroniques. Direction la Papouasie, puisque ce matin, un tremblement de terre de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a frappé la province indonésienne de Papouasie, donc, avant qu'une autre secousse de 5,8 sur l'échelle de Richter ne soit détectée quelques minutes plus tard, selon l'Institut géologique des États-Unis. Un troisième séisme d'une magnitude 5,9 a également frappé la même zone. Quelques temps après, à une profondeur de 32 km, aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés dans l'immédiat. Dans l'actualité également, en Isère, 38 migrants ont été découverts entassés dans un fourgon sur l'A43. Le passeur est toujours en fuite. Le véhicule arrivait d'Italie quand les gendarmes l'ont intercepté hier sur une aire d'autoroute en Isère. Dans l'actualité également, selon une étude, dépasser 1,5 degré de réchauffement pourrait déclencher des points de bascule climatique tels que l'extinction des barrières de corail ou encore un un dégel brutal du permafrost, plusieurs points de non-retour selon cette étude qui pourrait être rapidement atteint. Étude publiée hier dans la revue Science. Il est 10h32, on passe à la météo. La météo est prudente, hein, puisque un pic de chaleur est attendu, lundi selon Météo France, les températures qui pourraient dépasser les 35 degrés, notamment dans le sud-ouest du pays. Un épisode orageux viendra faire baisser les températures à partir de mardi et tout au long de la semaine. D'ici là, pour ce matin, vous avez de la pluie si vous êtes à Reims, du soleil dans toute la partie sud de la France, des températures qui sont aux alentours de 20 degrés, ça c'est pour Marseille, 16 degrés à Toulouse, 17 à Biarritz et 23 à Ajaccio. Plus vous remontez, plus vous avez quelques nuages, mais des températures toujours agréables. 16 degrés à Bourges, comme à Chalon-sur-Saône. Et puis, si vous remontez encore à Belfort, à Reims ou alors à Alençon, vous risquez d'avoir quelques pluies. Des nuages sans pluie partout ailleurs, mais des températures qui restent sensiblement les mêmes. Dans l'après-midi, la pluie va rester, mais les averses qui devraient se déclarer à beaucoup plus d'endroits, ça sera le cas notamment du côté de la région parisienne, de Metz, Strasbourg, Rouen ou encore Alençon. Toujours du grand soleil dans le sud de la France. Du côté des températures, elles atteindront jusqu'à 26 degrés ou même 27 pour Perpignan et Nice, 28 degrés à Ajaccio et pour indication 21 degrés à Auxerre, 19 degrés à Alençon, 20 degrés à Lille. Ce seront les températures de toute cette partie nord de la France. Demain, eh bien, ça va s'améliorer avec du grand soleil demain matin. Quelques nuages encore une fois sur la partie nord, mais plus d'averses. Et ça sera pareil l'après-midi. Ça va se dégager puisque les nuages vont se décaler petit à petit vers l'est du pays. Voilà pour votre météo qui revient dans 30 minutes. Ce sera à 11h03. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Vous êtes toujours sur Radio Antigone dans la case du week-end de 10h34. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous allons parler numérique et direction Snapchat, puisque c'est un petit peu le bazar du côté de la direction de Snapchat, mais également du côté des entreprises que a pu racheter Snapchat au fil du temps. Nous parlerons également de l'éphéméride pour tout savoir sur cette journée du 10 septembre. Et puis les actus des médias seront là avec Xavier qui est toujours là. Oui, on parlera de médias, on parlera des audiences avec le lancement de Danse avec les stars hier, quelles audiences, et on parlera aussi de menaces émises par des influenceurs à l'encontre de France Télévisions. Très bien, merci Xavier, et à tout à l'heure. Déjà, ce qu'on peut dire au niveau des audiences, c'est que Danse avec les stars a au moins fait un téléspectateur. Oui, ça c'est sûr. Voilà, très bien, puisque tu étais devant ton écran, ton petit écran. Je pense qu'on peut parler du programme musical. Tout à l'heure, nous écouterons Angèle avec Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle. Et il y aura également un classique musical, comme promis juste avant 11h, Yazoo, Don't Go. Cette mélodie indémodable que vous avez très certainement toujours tous entendu au moins une fois dans votre vie, elle arrive dans un instant sur Radio Antigone. Pour l'instant, eh bien voici un titre sorti l'année dernière, voilà, sorti en octobre ou en novembre. C'est Tina qui nous chantait Up, mais oui, montez, montez. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make a switch. Then you came around, you healed another stitch, and I'm glad about that. I can finally make a switch. And I know, yeah, I know many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know with you I got nothing to lose. When I'm down you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. myself and you now, levitating off the ground. And when you came around, you healed another stitch. I was lost, but now you found me. I can finally make the switch. And I know, yeah, I know, many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know, with you I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Ina sur Radio Antigone avec Up. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Merci de nous écouter. Nous parlons donc numérique comme chaque week-end sur Radio Antigone. Je vous propose de parler Snapchat et plus précisément d'une entreprise que Snapchat avait rachetée il y a quelques années. Un réseau social pas très très connu en France, mais pourtant très très populaire en Asie. Il s'agit de Zenly, réseau social français, oui, qui est dans le groupe Snapchat depuis 2017. Et qui, eh bien, va malheureusement avoir un petit problème, puisque le réseau social va fermer. Oui, Snapchat a décidé de s'en séparer, mais n'a pas souhaité revendre, a refusé de revendre ce réseau social, et eh bien, donc décidé de le fermer. Et les 70 salariés qui travaillent pour ce réseau social français, Zenly, seront donc licenciés. Zenly, qui est une application très populaire en Asie, hein, qui selon le Figaro eh bien, pouvait encore très très bien fonctionner, puisque depuis son acquisition par Snapchat, le nombre d'utilisateurs est passé de 120 000 à 35 millions d'utilisateurs. Oui oui, et sachez même que les 70 salariés fraîchement licenciés par Snapchat eh bien, avaient été félicités il y a à peine quelques mois, en juillet dernier, par Snapchat, la maison mère elle-même, qui les avait félicités pour leur travail et leur grande expansion. C'est donc un petit peu contradictoire, hein, cette décision de Snapchat. Snapchat qui est un petit peu dans le rouge, voilà, on va le dire clairement. Puisque, alors pourquoi ? Eh ben c'est très simple, puisque ils ont aussi décidé de licencier beaucoup plus de personnes. Les 70 salariés français de la partie Zenly ne sont pas les seuls concernés, ça fait partie d'un vaste plan. D'un vaste plan de restructuration qui est en cours, hein, visiblement, chez Snapchat, nous dit Les Échos, puisqu'ils vont licencier environ 20% de leurs salariés. Donc ça va faire un bon nombre, voilà, clairement, une réorganisation complète. Un salarié sur 5 parmi 6500 collaborateurs devrait être licencié par Snapchat, qui eh bien, est touché par le ralentissement de la publicité numérique, selon le magazine spécialisé Les Échos. L'application qui a en plus perdu deux hauts dirigeants qui sont partis chez Netflix. Voilà pour ces actus du numérique. On passe, c'est bien, à la suite, à la musique. Bah oui, la musique, la musique. Radio Antigone, Phil FM. 10h midi, la case du week-end. Dans un instant, ce sera à 10h45 et 30 secondes tout pile. Eh bien, il y aura votre éphéméride. Mais pour l'instant, c'est Angèle avec Bruxelles, je t'aime. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. T'aime, Bruxelles, je t'aime. plage et Saint-Gilles, la gueule à qui je dois mon nom. Poussel, je t'aime, tu m'avais manqué. Poussel, je t'aime, t'es ma préférée. Poussel, je t'aime, tu m'avais manqué. T'es la plus belle, oui t'es la plus belle. Et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. L'admettre, c'est que ni l'advance, mais que Bruxelles vous mename. Et si un jour elle se sépare, et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde est que ni le vin, bien que Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime, tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime, tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime, tu m'avais manqué. T'es la plus belle, oui t'es la plus belle. Angèle sur Radio Antigone, c'était Bruxelles, je t'aime. L'éphéméride. Nous sommes le samedi 10 décembre 2022, c'est aujourd'hui le 253e jour de l'année. Bonne fête aux Inès, aux Linès, aux Aubert, aux Aubéry, aux Aubert et donc également aux Oberon avec un O, et pareil pour les Aubert, ça peut être avec un AU ou avec un O. Bon anniversaire aujourd'hui à qui? Eh bien, à la journaliste Mireille Dumas. Bon anniversaire également à l'acteur Colin Firth, à Ryan Phillippe, et puis bon anniversaire également, qu'est-ce qu'on a d'autre comme anniversaire? Ah, mince. Au rappeur MHD qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Le personnage de jeu vidéo Spyro fête lui ses 24 ans. Et puis les mini-pouces fêtent leurs 39 ans. Voilà, si jamais vous avez envie de tout cela. Voici quelques événements s'étant déroulés un 10 septembre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, un 10 septembre, on a plein de choses. Oui, quand même, espérons. On peut dire que, eh bien, un 10 septembre, j'ai perdu mon texte, c'est pas grave. Un 10 septembre, s'est ouvert en 1937 la conférence de Nyon, qui était destinée, eh bien, à lutter contre la piraterie internationale en mer Méditerranée. En 1939, le 10 septembre 1939, le Canada est entré en guerre contre le Troisième Reich. Et puis, le 10 septembre 1967, un référendum sur la souveraineté de Gibraltar a eu lieu. C'est une victoire électorale britannique que l'on peut noter suite à ce scrutin qui s'est déroulé le 10 septembre d'une autre année, donc c'était en 1967. Du côté des autres événements un peu moins historiques, mais dans l'histoire quand même, on peut noter que c'est un 10 septembre en 1984 qu'a été découvert par hasard le concept d'empreinte génétique, et c'est le généticien britannique Alec Jeffrey qui a découvert tout cela. Sachez qu'en 2008, c'était également un 10 septembre, le grand collisionneur de Hadron du CERN a été mis en fonction en Suisse. Vous savez, il fait 20 km, je crois, de circonférence. Un très grand cercle qui vous permet, qui permet de faire d'énormes tests et d'énormes avancées technologiques. Voilà pour, ces événements qui se sont déroulés donc un 10 septembre. On termine rapidement avec les journées mondiales. C'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention du suicide et la journée mondiale des premiers secours. C'est un petit peu lié quand même, en quelque sorte. Voilà pour cette éphéméride. Voici un classique musical. Le classique de la case du week-end. Oh là là là là, vous entendez cette air derrière moi ? Il date de 1982. Et oui, 1982. Il est signé Yazoo. Et vous l'avez très certainement tous déjà entendu au moins une fois dans votre vie. Voici Don't Go. Radio Antigone, c'était à l'instant un grand classique musical, Yazoo avec Don't Go. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Et bonjour Xavier. Bonjour à tous. Nous commençons cette chronique des médias avec les audiences de la veille. Hier soir, sur France 2, la série Astrid et Raphaël était leader. Les deux épisodes inédits diffusés ont réuni 5 023 000 téléspectateurs en moyenne pour une part d'audience de 28,3%. TF1 est à la seconde place avec le lancement de la nouvelle saison de Danse avec les Stars, plus faible lancement de l'histoire de la franchise, avec 3,03 millions de personnes derrière leur téléviseur. Cependant, TF1 reste large leader sur la principale cible commerciale en faisant 31,7% de part d'audience sur les FRDA 50. Il est à rappeler que l'audience des chaînes du groupe TF1 est impactée depuis le vendredi 2 septembre en raison de la coupure de leur signal dans les offres de Canal+. À la troisième place, on retrouve M6 avec un numéro inédit de maison à vendre, 1,62 million de téléspectateurs suivent Stéphane Plaza. À noter un gadin du côté de France 3 qui avait programmé un numéro d'Un jour un destin consacré à Elisabeth II qui a fédéré seulement 1,04 million de téléspectateurs. Ça fait mal. Passons aux droits TV avec la chaîne L'Équipe qui s'offre les droits d'une compétition prestigieuse. C'est une information que nous révèle Pure Média dans un entretien paru il y a moins de 20 minutes. Jérôme Saporito, patron de la chaîne, annonce l'équipe. l'acquisition des droits des mondiaux de judo. La compétition se déroulera du 6 au 13 octobre prochain en Ouzbékistan. La précédente édition était diffusée sur la chaîne Eurosport. La chaîne a aussi choisi l'incarnation de cette discipline sur la chaîne. Il s'agira de Mesaoud Bentaki. Le patron de la chaîne ajoute, il sera entouré de commentateurs et de consultants. Nous aurons un dispositif spécial. C'est un sport très français et nous avons l'une des plus grandes nations au monde de judo. Dans le même entretien, le patron de la chaîne sportive officialise la prolongation pour 3 saisons supplémentaires des droits télévisés de la Coupe d'Espagne et de la Coupe d'Allemagne de football. Il dit à ce sujet, ça va nous permettre de voir du très bon foot en prime time. C'est Mané et Sané au Bayern Munich en Allemagne. C'est Dembélé, Griezmann et Benzema en Espagne. Tout ça en clair, poursuit Jérôme Saporito. Enfin, il ajoute, c'est notre mission, proposer du sport en clair. C'est une excellente nouvelle pour tous. Ce sont de très belles affiches avec de grands clubs. D'accord, c'est parfait. Merci Xavier. On termine cette première chronique Actu des médias avec le complément d'enquête sur le business des influenceurs qui est reprogrammé dimanche. C'est une information que nous avons également le site d'information Média Pure Média. Le numéro du magazine d'information ayant été déprogrammé jeudi en raison de l'actualité britannique devrait être reprogrammé ce dimanche en seconde partie de soirée après le film Adieu les cons. Ce documentaire, qui avait convaincu des influenceurs à répondre aux questions de Rizaline Selika et Paul Labrosse, ces derniers avaient réussi à convaincre Maëlle Berda d'intervenir aussi. Il s'agit de la patronne de Shauna Evans, un pilier dans le milieu. Toujours selon le site d'information, alors qu'ils avaient donné leur accord pour paraître dans le magazine de France 2, certains influenceurs ont fait pression sur la chaîne pour être retirés, à l'image de Alex et Nina, couple d'influenceurs vivant à Dubaï, qui ont envoyé une lettre de leur avocat afin de retirer leur participation. L'influenceuse et star de télé-réalité Michelle Jasmine a également envoyé un courrier de son avocat avec la même demande. De son côté, Magali Berda, qui était aussi invitée de l'interview finale sur les fauteuils rouges, fait aussi pression sur la chaîne et menace d'un procès pour retirer une séquence de l'enquête. Dans ce numéro, Nathanaïa Sion, ancienne influenceuse dans l'entreprise de Magali Berda, reproche à cette dernière de ne pas avoir pris au sérieux ses accusations d'agression sexuelle à l'encontre d'un autre influenceur de l'agence. Magali Berda avait pourtant répondu à cette affaire dans le reportage. Complément d'enquête, donc retrouvé demain soir en deuxième partie sur France 2 après le film Adieu les cons. Très bien, merci Xavier. On a encore 2 minutes. Est-ce que tu as une autre petite info si tu veux, toi qui vois. Pas obligatoire. De toute façon, on te retrouve à 11h50. Donc voilà. Mais je peux vous parler aussi de la mise en examen pour viol d'un consultant de la chaîne d'information BFM TV. En effet, le parquet de Paris a annoncé dimanche la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de l'historien François Durper, ceci pour des faits de viol après une plainte déposée par son ex-compagne. C'est une affaire que nous révèle Le Parisien, selon qui les faits seraient survenus en 2011 au domicile du consultant. Ce dernier, sa victime présumée, ou entretenue à l'époque une brève relation. Au sujet de la présence du spécialiste sur les antennes de BFM TV, la chaîne précise que ce dernier sera en retrait de l'antenne en attendant les résultats de l'enquête. Cette affaire suggère quelques mois après que BFM TV ait déjà été secouée il y a quelques mois par l'affaire Jean-Jacques Bourdin. Très bien, merci beaucoup Xavier pour toutes ces infos très très agréables et très très bien écrites. Merci, on te retrouve dans une heure, on parlera de quoi ? En effet, je vous retrouve à 11h51 pour de nouvelles actus des médias. On parlera notamment de l'affrontement Canal Plus TF1 dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, mais il y a du nouveau dans le dossier. Très bien, gros dossier donc à suivre sur Radio Antigone. Restez bien là, puisque déjà on retrouvera Xavier. Et puis on fera également un point sur l'actualité dans quelques minutes, dont 4 minutes, avec le flash et la météo. Mais pour l'instant, voici Étienne de Crécy, un titre sorti en 2015. Il se nomme Hashtag Maya Haas. Hashtag Maya Haas. My ass. Smile, show, boy, trouble. Hashtag my ass. Un titre de 2015 signé Étienne de Crécy, hashtag my ace. Dans quelques minutes, nous écouterons Camilla Cabello avec Don Goyette. La radio à vif. Et pour l'instant, il est quasiment 11h sur Radio Antigone. L'archive pub arrive dans un instant, nous retournerons en 2011. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Mais avant, vous voulez très certainement savoir ce qu'il se passe dans le monde, et bien voici le flash de ce 10 septembre. J'ai remonté le curseur un peu rapidement. Dans l'actualité aujourd'hui, oui, dans l'actualité de ce 10 septembre donc, et bien 38 migrants découverts en provenance d'Italie dans un fourgon hier vers 11h sur l'aile de repos, de l'île d'Abo en Isère. Cette aire est située sur l'A43, c'est ce qu'a appris France Info ce samedi auprès de gendarmes qui a confirmé donc une information du Dauphiné libéré. 38 clandestins, tous d'origine pakistanaise ou indienne, ont été découverts donc lors d'un contrôle mené par le peloton motorisé de la Verpillière. Il roulait alors en direction de Lyon et avait pour objectif d'arriver à Paris. Le conducteur est toujours en fuite puisqu'il s'est enfui en courant au moment du contrôle. Il est toujours recherché. Ces personnes n'avaient pas mangé ni bu depuis leur départ d'Italie. Selon les gendarmes, une femme et quelques mineurs étaient à l'arrière du fourgon. Dans l'actualité également, une étude publiée hier dans la revue Science nous indique qu'un réchauffement de la planète au-delà de 1,5 degré, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, pourrait déclencher plusieurs points de basculement climatique qui engendreraient des catastrophes en chaîne, notamment la fin, l'extinction des barrières de coral ou encore un dégel brutal du permafrost. Bref, grande inquiétude. Un point de basculement et un seuil critique donc au-delà duquel, nous dit le GIEC, un système se réorganise souvent brutalement ou de manière irréversible. Des rapports de plus en plus inquiétants. Dans l'actualité également, et c'est en rapport, la météo avec de nombreux pics de chaleur attendus lundi. Oui, c'est ce qu'a annoncé Météo France. Les températures pourront dépasser les 35 degrés, notamment dans le sud-ouest du pays. Et un épisode orageux devrait faire baisser les températures dès mardi, et ce pour le reste de la semaine. Du côté du reste de la météo, eh bien pour cet après-midi, c'est pas mal, avec du soleil en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon, du grand soleil sans nuages ou presque. Si vous remontez un petit peu au nord, les nuages sont là, il y a même parfois un petit peu de pluie. Ça, c'est le cas pour Alençon, pour Reims, pour Paris, pour Metz, pour Strasbourg. 20 degrés pour Strasbourg, Paris et Rouen. 20 degrés également à Lille, où là la pluie normalement vous devriez y échapper. 21 degrés à Vichy, 21 à La Rochelle et à Nantes. Et puis demain, les pluies qui devraient disparaître. Les nuages seront toujours là là, mais vont remonter un petit peu plus au nord. Et donc la France sera vraiment cette fois coupée en deux, avec du grand soleil au sud et un petit peu de nuages au nord. Nuages qui, au cours de l'après-midi, vont se décaler vers l'est et donc vont laisser la Normandie, notamment les pays de la Loire et la Bretagne, dégagés de tout nuage. Il n'y aura plus qu'un petit quart du pays, le quart nord-est, qui aura ces nuages qui, on l'espère, se décaleront au cours de la journée de lundi. Ça sera d'ailleurs le cas, pareil pour l'après-midi, mais ça on en reparlera tout à l'heure à 11h30. La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Il est 11h03 sur Radio Antigone, les respects, les horaires sont totalement respectés, je suis donc content, je suis donc joie. Et joie également, d'autant plus puisque Xavier est avec moi pour m'accompagner pour les actus des médias et les actus du sport. En effet. Par exemple, dans les actualités des médias, on parlera d'un nouveau magazine sur M6 qui démarrera ce soir, ça s'appelle Zone Évasion. Et on parlera aussi du conflit TF1 Canal+. D'accord, Xavier, à tout à l'heure donc, et puis on aura les actus du sport à 11h44, il me semble. Bien ça. Je m'abuse, bref, un très très bon programme, comme d'habitude. Beau programme également musical, puisque dans quelques minutes, le petit plaisir de Xavier avec Camila Cabello, Don Goyette. Alors c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on a écouté il y a quelques minutes Don Go de Yazoo, et là cette fois on écoute Don Goyette. C'est vrai. Il y a de la cohérence dans la programmation. T'as vu ça? Et figure-toi que c'est le hasard. C'est quand même fou. Mais non. L'excellente donc Camila Cabello que nous écouterons tout à l'heure sur Radio Antigone. Sachez qu'il y aura également le DJ français Bob Sinclair avec DNA. Avec les paroles les plus évoluées du monde, vous allez pouvoir les découvrir tout à l'heure. Et puis le classique musical de la deuxième heure d'émission, eh bien, sera tout à l'heure, juste avant midi, Barry White avec You're the First, the Last, My Everything. Your love I'll keep forever. Restez bien sur Radio Antigone pour profiter de ce classique qui arrive à 11h46-47 environ. Il est 11h05 pour l'instant, presque 11h06 tout même. Je vous propose donc de passer à l'archive pub. L'archive pub. Tour en 2011, aujourd'hui pour cet archive pub. Archive pub trouvé sur la chaîne YouTube une nouvelle fois de Coyote98, qui publie de nombreuses archives, et notamment cette archive de TF1, oui, qui nous a proposé, c'est l'annonceur qui a proposé ça en tout cas sur TF1, une publicité pour les rasoirs Vénus Ambresse. On l'écoute tout de suite. En chaque femme réside une déesse, belle et sûre d'elle. Bien dans son corps et dans sa tête, faites ressortir la déesse qui est en vous avec Venus Embrace. Ces cinq lames entourées d'une bande lubrifiante permettent un rasage de plus près qui laisse vos jambes belles et douces. Toutes les déesses vont adorer. Venus Embrace, révélez la déesse qui est en vous. Oh, me love it, yeah, yeah. I'm in love, yeah. Oh, we play. Mince, mon micro était éteint depuis tout à l'heure, je crois. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the script in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. À Xavier de faire les annonces de ce titre, s'il veut. Et eh ben oui, bah c'était Don Goyette par Camila Cabello. Qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne musique, je trouve. On la passe pas assez sur Radio Antigone. Ah oui, c'est vrai, on la passe pas assez, en effet. Bah, ouais, j'essaierai de la rajouter 10 fois dans la playlist. Tous les week-ends ? C'est ça ? Ouais, tous les week-ends. Ah oui, je t'assure, hein, tous les week-ends. Ok, tous les week-ends, mais pas forcément pendant la case du week-end. Si, si. Si, ok. Bon, je vais essayer de l'ajouter discrètement à la playlist et puis voilà. Je verrai ce que je peux faire pour te faire plaisir, Xavier. T'inquiète pas. Ouais, ouais, je verrai. On passe au programme télé tout de suite. Radio Antigone, Phil FM, le programme TV. Nous sommes donc le samedi 10 décembre 2022. Le Musicator 2000 arrive peut-être un petit peu après, mais donc le programme télé avec les différents programmes inédits, les différents programmes même tout simplement, de cette journée. Et ce soir, vous allez pouvoir retrouver un nouveau numéro, un nouvel épisode inédit de The Voice Kids sur TF1. C'est à partir de 21h10. Ils en sont où là? Je ne sais plus. Tu sais où ils en sont au niveau des auditions à l'aveugle, tout? On en a encore aux auditions à l'aveugle, oui. Très bien, merci Xavier. Sur France 2, eh bien une nouvelle émission, le Big Show. Non, il n'est pas nouveau. En tout cas, une émission qui n'a pas très bien fonctionné à la première, je crois. Le Big Show, eh bien un concept britannique diffusé sur France 2, repris en français bien sûr, présenté par Jarry et diffusé à 21h10 sur France 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre à la télévision? Eh ben, on a plein de choses, oui, puisque sur France 3 qui doit se rattraper après les audiences désastreuses d'hier dont nous a parlé Xavier, sur France 3, il y a Meurtre à Granville, autant dire que ça va très certainement fonctionner. C'est à 21h10, ce téléfilm en rediffusion, et après ils iront à Étretat pour de nouveaux meurtres. Sur Canal+, la deuxième journée de Top 14 de rugby avec Montpellier qui affronte Bordeaux-Bègles. Sur France 5, un numéro d'Échappée Belle, direction le Rwanda. Rwanda, le pays aux mille collines, sur M6, zone évasion, oui, consacrée aujourd'hui au sujet « Faire soi-même son camping-car, une aventure en famille », un magazine qui dure 1h50 et qui est diffusé à partir de 21h10, c'est inédit. Inédit également sur la 7, sur Arte, Elisabeth par elle-même, documentaire hommage à Elisabeth II décédée il y a 2 jours, c'est à 20h50 et c'est inédit. Sur C8, un autre magazine consacré à Elisabeth II, Elisabeth II, 70 ans de règne de secret et de scandale, c'est à 21h15. Sur W9, comme tous les samedis, la petite histoire de France, là on entre dans la petite série de chaque samedi, c'est la même chose. Sur TMC, c'est Columbo, une nouvelle fois. Sur TFX, les chroniques criminelles avec... cette semaine, un épisode inédit. Sur NRJ 12, comme toutes les semaines, Big Bang Theory. Et exceptionnellement, eh bien, sur la chaîne parlementaire, LCP Public Sénat, le canal 13, eh bien, on a un changement. Tiens, on n'a pas le même programme que d'habitude le samedi. Ce soir, vous avez un petit magazine d'une heure. 100 jours, voilà, c'est son nom. Et il est à 21h. Sur Culture Box, les clés de l'orchestre, ma mère, loi, c'est à 21h10 et c'est inédit. Sur C Star, inédit également, Ghost Adventure, il y a plusieurs épisodes. Sur Gulli, Battlebots, le choc des robots. Sur TF1 série film, rediffusion de Joséphine Angerdien. Sur la chaîne L'Équipe, la deuxième demi-finale des championnats du monde de volleyball. La Pologne affronte le Brésil ce soir à 21h. Sur Sister, 5 minutes après, Hawaï 5-0. Sur RMC Découverte, inédit Alien Theory, plusieurs numéros inédits ce soir. Et puis, il y a RMC Découverte avec des rediffusions de Retour à l'instinct primaire, et à 21h05 sur Chéri 25, hôtel Portofino. Voilà pour votre programme télé complet. Il est 11h15, et ben on a le temps de faire le Musicateur 2000 tout à l'heure, dans un instant, après Bob Sinclair, que l'on écoute dès maintenant. Voici ADN, ou en anglais, et c'est le titre original, DNA, qu'on écoute dès maintenant. Il est sorti l'année dernière, ce titre. Les paroles sont très très simples à comprendre de ce titre de Bob Sinclair, DNA, à l'instant sur Radio Antigone. Il est 11h18, voici le Musicateur 2000. Le Musicateur 2000. Bilal, vous êtes 14 000. Et oui, et je vous propose aujourd'hui d'aller en Angleterre, voilà, en Grande-Bretagne, actualité oblige. Le Musique 14 000, je vous rappelle déjà le principe, on écoute une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Aujourd'hui, on va en Grande-Bretagne pour suivre l'actualité sur BBC Radio 6 Music, une radio musicale de BBC qui diffuse actuellement ce titre, Majorette Beach House. Et bien, je vous propose qu'on l'écoute tous ensemble en direct sur Radio Antigone. Alors, pas en direct. Oula, oulala, oulala. Je viens de voir la tête du diffuseur du Musicateur 2000 normalement. Bref, on écoute cette musique dès maintenant sur Radio Antigone. Beach House, Majorette, c'est tout de suite. C'était donc le Musicateur 2000 avec mon micro qui était éteint, avec un titre diffusé actuellement sur une radio d'un autre pays. Nous étions sur BBC Radio 6, dont le jingle, eh bien, ressemble à ça, si ça vous intéresse. This is BBC Radio 6 Music. Je n'arrive pas à les couper, c'est pas grave. En tout cas, c'était donc le Musicator 2000, une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Nous venons donc d'écouter Beach House avec Majorette, un titre sorti il y a 6 ans et qui était diffusé sur BBC Radio 6 Music. Voilà pour ce Musicator 2000. On passe tout de suite aux actus économiques avec aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui, l'économie. Aujourd'hui l'économie, avec Marie-Pierre Olfant bien sûr, oui l'excellente Marie-Pierre Olfant comme quasiment toutes les semaines. Marie-Pierre, les oignons ont rarement autant fait pleurer les importateurs à cause d'une mauvaise météo, les récoltes en Europe et en Afrique de l'Ouest ne sont pas bonnes et les prix ont flambé, en particulier au Sénégal, Marie-Pierre. Le sac d'oignons hollandais a rarement coûté aussi cher. Vendu à 8 euros maximum l'année dernière, il en vaut aujourd'hui 14. À cela, il faut ajouter les frais de transport, ceux de douane et la marge de l'importateur. À l'arrivée sur le marché sénégalais, le sac est vendu à 22 euros au détail, soit environ 15 000 francs CFA, un prix difficile à supporter par les ménages. Le problème, c'est qu'au pays du poulet Yassa, on se passe difficilement d'oignons. Le Sénégal subit donc de plein fouet le manque de bulbes sur le marché national et international, car la crise est bien partagée entre les continents. Localement, la récolte en Afrique de l'Ouest a souffert à cause de la météo, mais aussi du coût des semences. Résultat, faute de volume récolté suffisant, la campagne de commercialisation au Sénégal s'est terminée le 11 août avec un mois d'avance. Le pays a dû commencer à importer plus tôt, d'abord du Maroc, par facilité, mais à des prix très élevés à cause de la sécheresse également. Des prix qui rivalise maintenant avec ceux des fournisseurs européens qui ont aussi flambé. Le manque de pluie a en effet entraîné une baisse de production généralisée, que ce soit en Pologne, en Espagne ou encore en Hollande. Partout, l'oignon se fait rare. Au niveau international, les stocks sont globalement bas, un facteur de plus pour expliquer la hausse des prix. Du côté des exportateurs hollandais, on se frotte évidemment les mains, alors que les importateurs sénégalais, eux, ont dû s'adapter. Ces dernières années, quand l'oignon était abondant, ils n'avaient pas besoin d'envoyer d'acompte pour recevoir leurs commandes au port. C'est l'importateur qui fixait ses règles, explique un expert. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Cette flambée des prix tombe en tout cas au plus mal, au Sénégal, au Mali ou encore en Gambie, à l'heure où se préparent les grandes fêtes religieuses que sont le Grand Magal de Touba ou encore le Maouloud, des périodes de retrouvailles et de plus forte consommation. Merci beaucoup Marie-Pierre Olfant et à demain pour une nouvelle chronique économique. Sur Radio Antigone, sachez qu'il est quelle heure? Eh bien, 11h25, donc 26 même. Dans 4 minutes tout pile, on fait un nouveau point sur l'actualité. Mais pour l'instant, on écoute un titre sorti en 2003 que nous n'avons pas eu le temps d'écouter la semaine dernière. Il était prévu à la même heure dimanche dernier, mais on n'a pas eu le temps de l'écouter. On l'écoute donc maintenant, je l'ai reprogrammé. Les Daft Punk avec Very Disco, c'est tout de suite. Thank you. merci d'être sur Radio Antigone. C'était les Daft Punk avec ce titre extrait du thème de Interstellar 5555, Veridis Co. Il est sorti en 2003. La radio à vif. Il est 11h30 sur Radio Antigone. Dans quelques instants, les actus du numérique, les actus du sport et les actus des médias. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Mais avant, voici les infos avec le flash de ce 10 septembre. Aujourd'hui, en Isère, 38 migrants ont été découverts entassés dans un fourgon sur l'A43. Ils étaient en direction de Lyon et avaient pour objectif Paris. Le conducteur est en fuite. À l'intérieur, eh bien, il y avait 38 clandestins, tous d'origine pakistanaise ou indienne. Ils ont été découverts lors d'un contrôle qui a été mené par le peloton motorisé de la Verpillière. Il y avait parmi ceux-ci, certains qui n'avaient pas mangé ni bu depuis leur départ d'Italie, et une femme et quelques enfants, selon les gendarmes. Réchauffement climatique, dérèglement climatique, et selon une étude de la revue Science, un réchauffement de la planète au-delà de 1,5 degré, soit l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, difficilement atteignable pourrait déclencher plusieurs points de basculement climatique qui engendraient des catastrophiques réactions en chaîne, selon une étude donc publiée hier, notamment un dégel du permafrost et une extinction des barrières de coral très très important, notamment pour l'environnement et en plus pour éviter que les températures augmentent plus. Voilà, donc c'est un cercle vicieux qui est déjà en place depuis un petit moment. Dans l'actualité également, un tremblement de terre d'une magnitude 6,1 a frappé la province indonésienne de Papouasie ce matin. Une autre de 5,8 a ensuite secoué la même zone quelques minutes plus tard. Et puis un troisième séisme à 5,9 sur l'échelle de Richter a frappé la même zone avec une profondeur de 32 km. Aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés pour l'instant. Affaire à suivre quand même, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité ? Eh bien, sachez que cet après-midi, le roi Charles III recevra la première ministre Liz Truss, ainsi que quelques membres de son cabinet. Il échangera ensuite avec les leaders des partis d'opposition avant de recevoir le doyen de Westminster. Charles III, tout fraîchement devenu roi, qui reçoit donc la toute fraîchement devenue première ministre en Grande-Bretagne, Liz Truss. Beaucoup de changements pour la Grande-Bretagne. Et puis, on termine je crois qu'on a fait tour. Oui, bon, c'est bon, on va terminer sur ça parce qu'il est déjà 11h33, ça fait 3 minutes de flash. On passe rapidement à la météo. C'est pas mal niveau météo, oui, quelques pluies cet après-midi, mais pas grand-chose, ça se passe du côté du nord de la France. Voilà, Cherbourg, Paris, Alençon, Rouen, Strasbourg, Metz ou encore Reims. Partout ailleurs, il y a du soleil. C'est le cas notamment en dessous d'une ligne Bordeaux-Bourg-Saint-Maurice. Du grand soleil sans nuages. Au-dessus de cette ligne, la pluie pour les villes dont je vous ai parlé et leur département. Et puis des nuages malgré le soleil qui est quand même présent. Des températures qui tourneront autour des 20 degrés. Demain, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien demain matin, plus de pluie. Les nuages seront encore présents. Ils seront remontés vers le nord, il y en aura donc moins sur la partie centrale de la France. Et dans l'après-midi, ils vont se décaler vers l'est, les nuages qui ne seront plus que vers le nord-est de la France. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Eh bien que les températures demain après-midi seront assez élevées. Comptez 29 degrés pour Marseille, c'est pas mal. 28 à Ajaccio, 25 à Bourg-Saint-Maurice, 26 à Gap, 25 également à Tours, 21 à Lille, 27 degrés à La Rochelle, 25 à Nantes, 24 à Bourges, et puis 32 degrés, jusqu'à 32 degrés, ça sera pour Tarbes. Voilà pour votre météo. La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo.

dignité, tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour, tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends? Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes, y'a un blizzard. Tobé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge. Nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard. D'être sur Radio Antigone. Il est 11h41, c'était Fauve sur la radio à vif avec Blizzard. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Parlons de France Connect. Dans ces actus du numérique, vous utilisez peut-être France Connect pour vous connecter à de nombreux sites institutionnels. Vous utilisez avec les impôts et puis le service des impôts qui vous permet d'utiliser France Connect pour vous connecter à d'autres services avec le même code. Vous le savez peut-être, eh bien, parmi ces services compatibles, utilisables un peu dans les deux sens, il y a le service Amélie. Oui, Amélie, c'est-à-dire l'assurance maladie, et donc vous avez toutes les informations pour votre couverture santé, et puis c'est également un des moyens d'authentification de France Connect pour se connecter à d'autres services. Eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelque temps, vous ne pouvez plus vous connecter avec France Connect, avec Amélie sur France Connect. La raison est très simple, eh bien, ça a été bloqué car selon une enquête du Canard Enchaîné, il y aurait eh bien un problème de cybersécurité. D'où le fait que eh bien ça ne soit plus accessible depuis plusieurs semaines. Il faut eh bien accéder différemment à Amélie. Vous ne pouvez plus vous connecter sur un autre service via France Connect, via Amélie. Dans une lettre publiée le 12 août, la direction de l'assurance maladie a indiqué suspendre l'utilisation de ce bouton d'accès en raison de faiblesses en matière de sécurité informatique. Les raisons, eh bien, notamment les attaques de phishing, hein, puisque les adresses email des internautes qui sont cachées, eh bien, ne sont pas très bien protégés, hein, et c'est-à-dire que des pirates, eh bien, en profité pour contacter les Français en leur demandant de compléter un questionnaire sur la Covid-19. Mais donc, eh bien, dans ce questionnaire qui n'est en rien sur la Covid-19 et qui n'est pas officiel, eh bien, des données personnelles sont recueillies, notamment le numéro de sécurité sociale qui ont permis, eh bien, à quelques pirates d'accéder au site d'Amélie ou encore au site des impôts de certains utilisateurs. De faux emails sont également envoyés aux utilisateurs afin de récupérer leurs identifiants, et dans ce cas-là, eh bien, ils demandent d'entrer vos anciens identifiants, et c'est comme ça qu'ils ont vos identifiants. Soyez donc très très prudents, veillez bien à voir les sites officiels, les adresses emails. Si jamais vous recevez un message de France Connect, c'est franceconnect.gouv.fr seulement, ou alors notification.franceconnect.gouv.fr. Voilà, c'est tout. Selon l'Anti-Phishing Working Group, une instance créée en 2003, l'APWG, la France et ses services publics ne sont malheureusement pas les seuls à être touchés, puisque selon les données de cette instance, donc, sur le premier trimestre 2022, pas moins de 1 million de tentatives de hameçonnage ont été dénombrées par les experts. Ça fait quand même beaucoup. Voilà pour ces actus du numérique qui reviennent demain. 10h midi, la tasse du week-end. 11h44, j'ai du retard, on passe rapidement à Matt Simon, cette fois c'est Too Much, et après on parle sport. Oh, I never knew I've had enough, till I had too much, till I had too much. And I never know the party's over, till the walls are closing and the sun is up. Well, I went and done and did it again. I took it too far, and the part of me I've been trying to pretend isn't there. When and overshare with all my friends. Stare at the wall and recall all I said. Cause nobody knows if you meant it. God only knows how they felt when you said it. Do you know if you meant it? Well, I meant to keep it to myself. Oh, I never know I've had enough. Till I had too much, till I had too much. And I never know the party's over. Till the walls are closing and the sun is up. I trip over what I say and I get in my own way. I don't know what I turn into. Well, I'll probably go and do it again. Looking for something strange to satisfy my lizard brain. When we evolved from creepy crawlers to Charlemagne, the gods forgot to add a button to numb the pain. Do you know where we're going? Isn't it crazy that nobody knows it? I gotta know where we're going, and I can't keep it to myself. Oh, I never know. Merci beaucoup Matt Simons, Too Much, c'était ton titre sorti en 2021. Et maintenant ce sont les actus du sport. Qui ne démarre pas parce que sinon ça serait trop beau. Les actus du sport, c'est avec l'excellent Xavier. Bonjour Xavier, rebonjour. Ah, alors est-ce qu'on entend? Vas-y. Bonjour. Ah, ça y est, on t'entend. Alors Xavier, on parle de sport et on commence avec une information de dernière minute que l'AFP nous apprend ce matin suite aux incidents lors du match Nice-Cologne. Information que nous a appris l'AFP peu après 11h. Deux jours après les incidents de Nice-Cologne, la préfecture de Corse du Sud a annoncé l'interdiction de déplacement des supporters niçois à Ajaccio dimanche, en raison notamment des nombreux troubles à l'ordre public consécutifs au comportement violent de certains supporters des deux clubs. Pour rappeler les faits, à Nice, jeudi soir, à l'occasion du match de Ligue Europa Conférence opposant les Aiglons au FC Cologne, de très violents incidents ont opposé les supporters à l'intérieur du stade, impliquant également des supporters parisiens et faisant 32 blessés. Côté Corse, dimanche dernier, des bagarres ont éclaté à l'aéroport entre des supporters d'Ajaccio et de Lorient, juste après le match entre les deux équipes, nous apprend France 3 via Stella. On part en Croatie pour parler de l'Euro masculin de waterpolo. En effet, la marche était encore trop haute pour les Bleus. Deux jours après avoir éliminé la Serbie, qui était la championne en titre, 10-9 en huitième de finale, l'équipe de France s'est heurtée à l'Italie. L'Italie, qui sont les vice-champions du monde de cette compétition, ils ont emporté 6-8 mardi 6 septembre en Croatie. Le sélectionneur des Français, Florian Bruzzo, commente cette défaite. Je cite, on est une équipe un peu jeune à ce niveau-là de performance et émotionnellement, ça nous coûte beaucoup de jouer contre la Serbie, l'Espagne ou la Croatie, reconnaissait le sélectionneur. Il y a une réserve émotionnelle à recréer à chaque fois et on a été mis à rude épreuve avec les Italiens au style de jeu très agressif. Et du côté bien de l'Euro féminin de waterpolo justement. L'équipe de France féminine de waterpolo a terminé son Euro sur une bonne note. Par contre, après deux sévères défaites contre les Pays-Bas en quart de finale 3-22 puis contre la Hongrie en match de classement 9-19, les Bleus ont terminé leur championnat d'Europe sur une victoire en s'imposant hier largement contre la Croatie 13-4. Rapidement devant au score 4-1 à la fin du premier quart-temps, 6-1 à la mi-temps, l'équipe de France n'a jamais cessé de creuser les cartes face à des Croates dépressés par les offensives françaises. Grâce à cette victoire, les Françaises terminent 7e de l'Euro, une place bien connue puisqu'elles occupent cette place à chaque championnat d'Europe depuis 2014. Eh ben ça va s'améliorer, je n'en doute pas. Parlons de la Super League 2022, c'est du rugby à 13. Les Catalans ont perdu face à Leeds hier soir. Ils étaient indisciplinés. On peut noter deux expulsions. Ils ont perdu 10-20. Leur parcours s'arrête donc là en Super League. les Catalans ont perdu leur nerf lors du match avec des cartons rouges contre Gilles Dudson pour son coup de tête à la 75e minute et Mitchell Pierce après un deuxième carton jaune pour un plaquage haut, lui qui avait déjà été sanctionné pour un accrochage lors de la première période. L'indiscipline aura donc coûté cher aux Dragons Catalans. Donc, même si leur mérite reste d'être un habitué de la phase prestigieuse de Super League, il est cependant à noter que cette élimination prématurée ne correspond pas aux ambitions des Catalans. Très bien, merci Xavier. On passe au football avec un... Non, pardon. Et quels sont les... Oh là là, je vais me reprendre. On passe à l'Euro masculin de basket. Quelles sont les affiches du jour ? Après le match des Bleus contre la Turquie à 12h, trois autres huitièmes de finale d'Eurobasket ont lieu samedi à Berlin. La Slovénie par grande favorite contre la Belgique à 14h45. L'Allemagne défiera le Monténégro à 18h avant un choc Espagne-Lituanie à 20h45. Très bien, un mot de foot rapidement Xavier avec le match Lens 3. Grâce à un but sur coup de pied arrêté, Lens a pris le dessus sur 3 ce vendredi soir 1-0. Les 100 et Or sont provisoirement leader de la Ligue 1. Et puis on termine ce flash sport avec on n'y est pas encore. Le rallye et le oh là là, c'est pas possible. Enzo, suis ton conducteur. On va parler de rallye en Grèce. Avec du WRC en Grèce, voilà. Alors qu'ils testaient le haut du classement, Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet ont déchanté ce samedi matin. Le premier a été contraint à l'abandon, tandis que Loubet, victime d'une crevaison, est retombé à la 7e place. Thierry Neuville est le nouveau leader du rallye de l'Acropole. Et cette fois, on termine avec le cyclisme, deux mots de cyclisme et le Grand Prix de Québec. Et on dit cocorico car le Français Bruno Toutefoy a brillamment remporté le Classic World Tour du Grand Prix de Québec vendredi. Il a devancé sur la ligne Michael Matthews et Wynam Grimet. Le Belge Wout Van Aert termine quant à lui quatrième. Merci beaucoup Xavier pour ces actus du sport. On te retrouve dans un instant pour les actus des médias. Le classique de la case du week-end. Et justement, juste après Barry White, on écoute quoi ? On parle de quoi, pardon, dans les actus des médias ? On parlera d'un changement d'ampleur des sponsors de M6, on parlera de la PDG de la Maison Ronde et on parlera de Télématin. Parfait, merci Xavier. A tout de suite, juste après ce classique musical signé Barry White. Il date de 1974. You're the first, the last, my everything sur Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Les sorties jeux vidéo. Là, c'est l'heure des actus des médias. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Tout s'est lancé à la suite, les actus des médias avec Xavier, donc, qui est de nouveau avec moi. Et on commence avec un changement d'ampleur dans les samedis soirs de M6. En effet, dès ce soir, fini pour le moment les traditionnelles séries américaines. La chaîne proposera un nouveau magazine hebdomadaire, Zone Évasion, déclinaison du célèbre magazine de la chaîne, Zone Interdite. Le magazine sera également présenté par Ophélie Meunier, par ailleurs rédactrice en chef des deux magazines, ce qui fait que l'on retrouvera une semaine sur deux la journaliste, deux soirées consécutives, le samedi pour Zone Évasion et le dimanche pour Zone Interdite. Les thématiques de ce magazine font la part belle à la légèreté avec des familles qui pratiquent des produits qui... avec des familles qui fabriquent des produits régionaux dans des exploitations agricoles, des vacances à la ferme ou des fans de camping-car. Très bien, donc grand changement dans les samedis soirs parce que plus de séries, et ça fait beaucoup de changements et c'est pas la première fois qu'ils changent les soirées sur M6. Du nouveau dans le dossier TF1 et Canal+. En effet, TF1 signe le groupe crypté au tribunal de commerce en référé. Selon le Figaro, cette procédure accélérée vise à obtenir le rétablissement du signal des chaînes de TF1 sur le service TNT SAT qui dessert les zones blanches. Le but de la filiale du groupe Bouygues Télécom, obtenir le rétablissement donc sur ce service, qui est le seul moyen pour près de 2 millions de Français de pouvoir capter la TNT. La procédure en référé est une procédure d'urgence, signe que le dossier fait partie des priorités de la chaîne dirigée par Gilles Pélisson. Le secrétaire général du groupe TF1, Didier Casse, invité en début de semaine dans la matinale de France Info, avait prévenu, je cite, « Nous avons des impacts d'audience extrêmement importants qui nous créent un préjudice qu'on ne laissera pas passer. On ne va pas se laisser prendre de l'audience et laisser nos téléspectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir. » Fin de citation. À noter que selon le Parisien, Canal+ va assigner à son tour TF1 devant le tribunal de commerce de Nanterre d'ici la fin de semaine, notamment pour abus de position dominante concernant les conditions du nouvel accord de distribution. Et on part du côté de Radio France avec Sybille Veil, candidate pour sa succession. En effet, elle est en route pour un nouveau mandat. La PDG de la Maison Ronde l'a annoncé ce mardi matin en interne. Elle a jusqu'au 21 octobre à 17h pour déposer sa candidature auprès de l'ARCOM. La liste des candidatures sera rendue publique le 26 octobre. De son côté, Sybille Veil peut se défendre d'un bilan satisfaisant. Par exemple, France Inter s'est imposée première radio de France. Elle pourrait aussi vanter la croissance de France Info et le fait d'avoir réussi à gérer une grève de ses salariés qui a duré plus de 60 jours. Et par ailleurs, Sybille Veil mise depuis sur la rentrée sur une nouvelle directrice de France Inter, Adèle Van Rett, qui succède à Laurence Bloch. Adèle Van Rett mènera de nombreux projets comme la production de podcasts, Bémol et compagnie, 13 novembre, Zone 51, Léon Blou. Et elle peut aussi se vanter de l'arrivée sur la station de nouvelles plateformes à l'instar de TikTok. Clap de fin pour la nouvelle humoriste de Télématin. Après son sketch sur l'attentat de Nice, l'humoriste Alexandra Pixgali, écartée de l'émission, la nouvelle humoriste de la matinale de France 2 ne reviendra pas en deuxième semaine comme initialement prévu, la faute à un bad buzz pour sa première. L'humoriste relativisé sur Instagram, vivement la deuxième, et à moins qu'un projet me tombe sur la gueule la semaine prochaine, a priori ça ne pourrait être que mieux. Suite à son premier passage sur le thème de l'attentat de Nice. Cependant, France Télévisions a décidé de ne pas lui donner de seconde chance. C'est le journal Nice Matin qui nous l'apprend. Le groupe télévisuel dit « On a fait un test, ça n'a pas marché, on arrête », comme le confirme au cadre du service public. « Aucune censure, nous ne sommes pas de la police du politiquement correct. C'est uniquement une mesure suite au bad buzz ». Très bien, très très rapidement pour nous donner le rendez-vous, un nouveau rendez-vous média sur France 5, on a 10 secondes. En effet, c'est médiatique avec Mélanie Taravanan, ils traiteront notamment de la mort de la reine Elisabeth II avec Marc-Olivier Fogiel et ils recevront Alexandra Larose-Schubert et Cindy Fabre pour parler de Miss France. Merci Donc beaucoup. C'est à 13h30 sur France 5. Super, merci beaucoup Xavier. La case du week-end. Merci d'avoir été là pour cette émission. On te retrouve peut-être demain. On verra, en tout cas demain on aura Matt. Merci beaucoup et merci d'avoir suivi cette émission. Il est midi. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.